Hello, ska skinhead reggae people. Welcome to the House of the Lord. Émission numéro 59. Well, welcome back. Petite émission fil conducteur aujourd'hui. Desmond Dekka, Dekka. Pour l'instant, 1969, Mr. Foundation, alias Zoot Sims, Studio One. En fait, il s'agit d'un morceau des Ethiopians, Young Bud, sur le sous-label Pama Supreme, Petit Fond Mento, Reggae 69. Jamaican Jablon Clancy Eagles 1970 avec ce Senior Judas Redeem and Donnellys Girl I've Got a Date. Ici avec une petite option western, western feeling, tout comme Lee Perry. Il y a 10 ans, 2012, UK Band from Poole, England, The Rat Race. Ici donc, avec une petite reprise, premier clin d'œil, Desmond Dekka. Israelite, dedicated to you, Nick. Delroy Wilson, 1969, sous label Trojan Blue Cat. Blue Cat devenu un label de millionnaire. Ici, long version, This Life Make Me Wonder. Come on, Delroy. Depending on On reste chez Trojan sous label I Not Sonia Pottinger, ici Pat Seaton, 1969, mais enregistré fin 68 et sorti in England 31 janvier 69. Pyramids, juin 1981, Pyramids, retour dans la vague Teuton, très très populaire en Allemagne. Ici donc sur un album sorti en juin 1980, album plutôt mauvais, mais ici avec une bonne reprise, Sufferer, Skinhead Reggae Hit, Kingston. Sufferer, a sufferer, a sufferer, a sufferer. 1970, The Pioneer, 1970, l'année Leslie Gong. Ici la version jamaïcaine, face B du Battle of the Giant. Face B qui sera pas retenu in UK pour le TR77-60. Beverly Leslie Gong, champion. Bongo Man Records, autrement dit Studio One, The New Establishment. Groupaison Studio One, évidemment, avec Master Me Too en chef d'orchestre. Brentford All-Star. Thank you. nouveauté 2022, The Mosquito Bite from Barcelona. Et on retrouve notre fil conducteur Desmond Dekker, ici avec cette version du Fu Manchu. Sous la direction production d'Andy, d'Andy of course, avec ce hit de 1966 in UK pour les Casinos, soul ballad classic. Then you can tell me goodbye, Don Don. Thank you. Trojan, une année plus tôt, 1968, The Unix, autrement dit Slim Smith and Roy Shirley, production Lloyd Chalmers. Desmond Dekker, ici Roger Dekker, hommage au Body Snatcher qui jouait ce 007 in 1980, version 2014, accompagné par Linval Golding, Ora Spencer ou encore Sean Flavetue. Yeah. 1967, Meriton Jablan de Renegades. En fait, il s'agit d'un des tout premiers singles, sinon le premier d'ailleurs, des Wailing Souls. Ciao, bye. Septembre 1970, retour chez Trojan avec le TBL 112 LP des Ethiopians from the classic LP Woman Capture Man. Again, my friend, you will buck you too. Again, my friend. 1968, Carlton Records, The Emotions, autrement dit Max Romeo and Lloyd Shakespeare, le petit frère de Ruby, Carlton. Cette année 2022, donc The Regulators avec The Caymanas Park Rocket. Caymanas Park, autrement dit l'hippodrome de Jamaïque, situé dans la ville de Portmore. Rappelez-vous, Longshot Kick the Bucket. We'll be right back. Il y a 20 ans, les Scatalites tenaient le haut du pavé. Ici, Doreen Schaeffer avec donc une reformation Scatalite, mais la reformation suivante, c'est-à-dire sans Alfonso ou sans Mac Cook. Enregistré à Paris, fin 2001. Scatalite. When I fall in love, it will be forever, cause I'll never ever fall in love again. When I fall in love, there will be no other, only world. If I should fall in love again, to me it would be a pleasure, if it don't take all my leisures away. When I fall in love, there will be no other, 'cause I'll never ever fall in love again. Pablo, production Gussie Clark sur le fameux rhythm classique No No No 1973, Gussie Cha Blanc. mai 1970 sous le label Trojan Explosion. JJ All Stars, of course. Explosion, musical shock. Petit clin d'œil de nouveau, petit clin d'œil West. Skinhead Classic. On termine 1968 de l'autre côté de la rue chez Pama Crab, Crab Record avec ce Peter King Reggae Limbo, production UK, UK production d'Eric Morgan qui signe là le début du label Crab, troisième sortie donc Crab, number 3, 69. Have a nice, nice reggae week and reggae time and choose.